Le groupe des propagandistes du parti pour le pèlerinage aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du secteur du Mombektu ont visité les 8 et 9 corons, les districts de Rimyongsu et de Taehongdan. Les pèlerins ont déposé les bouquets de fleurs devant la statue en bronze du président Kim Il-sung en monument à la bataille du district de Musan avant de rendre hommage. Tout comme les guerriers anti-japonais, ils ont campé à l'extérieur et tenu aussi l'exposé des souvenirs des anciens partisans anti-japonais auprès du feu de bivouac.